Radio Campus Lille, midi. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Il est midi à l'horloge de Radio Campus et vous écoutez Angle d'attaque, une émission d'Attaque Métropole. Sur 106,6 MHz, c'est possible aussi sur campuslille.com. Attaque, A2TAC, c'est l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Alors aujourd'hui, Louis et Ludovic ne seront pas parmi nous, mais toujours, nous avons aux manettes Florent qui nous donnera le tempo et les rendez-vous militants. Et bien sûr, Christian et moi-même. Alors aujourd'hui, étant donné l'urgence et la situation face au réchauffement climatique, à la pollution de l'air en particulier dans la métropole, et du peu de réactivité de nos élus, comme le montre le nouveau plan local d'urbanisme d'ailleurs, nous allons vous présenter deux initiatives citoyennes en faveur du climat et de l'amélioration de la qualité de l'air et de la vie dans nos villes. D'abord l'association PARC, Protection, Aménagement, Réappropriation du site de Saint-Sauveur, et l'ASPI, Association pour la suppression des pollutions industrielles. Alors l'association PARC, représentée par Bénédicte et Camille, qui sont coprésidentes et coprésidents, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et merci encore d'être parmi nous. Enfin, attaque transport public gratuit. Non. Avec Didier, qui nous exposera l'intérêt de la gratuité des transports en commun, bien sûr, dans la lutte contre le réchauffement et les pollutions. Bonjour Didier. Bonjour. Donc voici la première question. Comment se sont constituées vos associations et pour quelles raisons ? D'abord PARC, peut-être ? Oui, avec plaisir. Donc PARC, tu l'as dit, René, c'est une association pour la protection, l'aménagement et la réappropriation collective, mot qui n'a pas été prononcé tout à l'heure et qui fait le lien avec la création de l'association l'année dernière, avec toutes les démarches qu'avait lancées le collectif Faites la friche. À l'issue de quoi ? À l'issue d'une année de réflexion, donc sur le papier, proposée par la MRES à une quinzaine d'associations qui consistait à étudier et à critiquer le projet d'aménagement qu'on appelle le projet GEL, du nom de l'architecte danois, qui avait été lauréat du concours lancé par la ville de Lille et par la métropole. Donc sur après avoir concernant donc le projet d'aménagement sur le site Saint-Sauveur. Après avoir passé un an dans des salles de réunion et sur le papier à écrire des rapports d'études et d'analyses concernant le projet GEL, on s'est dit que le mieux, c'était, il était temps, de découvrir le site par nos propres yeux et de le faire découvrir aux habitants. C'est pourquoi on a créé en janvier 2016 ce collectif Faites la friche avec ce jeu de mots sur fête, c'est-à-dire à la fois le festif, célébrer la friche qui existe, et aussi l'entretenir en tant qu'espace limitrophe à plusieurs quartiers où les gens peuvent se rencontrer et peuvent découvrir ce haut patrimoine de la biodiversité en plein cœur de la ville de Lille. D'accord. Donc c'est l'association s'est créée en juin 2018, PARC. Là c'était le collectif Faites la friche, et ensuite on a créé l'association PARC. Donc PARC qui a été en effet... créé en juin 2018 avec un objectif très très clair au départ, c'était de pouvoir ester en justice puisque après deux ans d'action du collectif Faites la friche qui visait donc, comme le rappelait Camille, à montrer aux élus que il y avait une certaine contestation, en tout cas il y avait une velléité citoyenne de réfléchir autrement à ce projet face à cette fin de non-recevoir, il nous est apparu qu'à un moment la seule voie qui nous restait, c'était l'action juridique. Et donc, ça a été créé en juin 2018 Début juin 2018, et c'est une date, alors pour comprendre pourquoi juin 2018, c'est qu'en fait il y a eu l'enquête publique en avril 2018 sur l'aménagement, en fait la modification du plan local d'urbanisme pour réaliser ce projet. Et là, il y a eu une énorme contestation, c'est-à-dire il y a eu 600 contributions citoyennes dont 90% étaient opposées au projet. Et il y a eu un rapport interassociatif qui a pointé les risques sanitaires, qui a rappelé, alors l'argumentaire on le développera après, mais en tout cas voilà, il y a eu beaucoup de contestations très argumentées, au point que le commissaire enquêteur à l'issue de cette enquête émettait un avis positif, mais avec trois réserves majeures qui devaient être levées. Je reviendrai certainement sur ces réserves tout à l'heure. Et ça, c'était, il a rendu son avis en mai, et en fait au 15 juin la MEL a décidé en conseil communautaire de s'asseoir totalement et sur l'enquête publique et sur les conclusions en fait du commissaire enquêteur, et donc a décidé de voter la modification du PLU. Et nous, en fait, nous étions prêts, donc l'association Parc s'était constituée donc tout début juin, et donc nous étions prêts à attaquer cette première délibération. Qui s'est traduite donc par votre première victoire, si je puis dire, le 5 octobre, où le tribunal administratif vous a donné gain de cause. Donc le projet est suspendu. Quelle suite on peut prévoir à l'avenir? Oui, alors en fait, la démarche juridique, il y avait deux, on a déposé deux recours. Un premier recours en référé suspension, donc qui introduisait une démarche d'urgence, et puis un autre recours sur le fond. Alors le recours sur le fond, il sera jugé dans quelques mois. On attend que le tribunal administratif nous donne une audience, mais en revanche, le recours en référé suspension, il visait à ce que le juge dise, vu les enjeux, tant que ça n'a pas été jugé sur le fond, on suspend. Et c'est en effet ça, la décision du juge, c'est la suspension. Donc, du coup, la suite, c'est, bon, d'abord, le jugement sur le fond. Il y a très peu de chances que le juge, prenne une décision contraire. C'est-à-dire, en gros, on a de très bonnes chances que sur le fond, le juge suive notre raisonnement et notre demande. Et donc ça, les élus l'ont compris. Ils ont compris qu'en gros, là, il fallait qu'ils changent un petit peu. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de relancer l'enquête publique, c'est-à-dire que, alors, d'obtenir des compléments d'informations, notamment sur un seul aspect, alors que nous, on en a soulevé beaucoup plus, mais sur un seul aspect qui est la pollution de l'air. D'ailleurs, je pense que c'est en lien avec ce dont vont nous parler, va nous parler ATTAC sur les transports gratuits. Oui. Justement, du fait que la pollution de l'air actuellement, c'est quand même un problème crucial pour la métropole. Et donc, justement, alors ATTAC transports gratuits, que proposez-vous? Alors, d'une part, c'est pas ATTAC transports gratuits, c'est ATTAC tout seul. Même si nous sommes rejoints dans notre activité par différents partis d'opposition qui sont le Parti communiste, qui sont la France insoumise, qui sont Ensemble et qui sont Europe Écologie Les Verts et Génération. Donc, pour revenir sur la question sur donc comment c'est constitué. Voilà. Alors on a été constitué dans plusieurs associations qui n'ont pas marché ou qui ont des objectifs différents d'une autre. Je pense notamment à l'association qui s'appelle le Collectif des usagers de transport. Avec lequel on partage ni les mots d'ordre, ni la visée. Alors la visée, c'est la MEL. Nous, on va voir pourquoi on s'attaque à Roubaix. Et le transport gratuit, évidemment, ils le réclament, mais aussi sous forme peut-être un peu, adoucie, sous forme de transport gratuit. Réservé à certaines catégories. Avec des aménagements. Population. Nous, c'est pas du tout notre truc. Nous pensons qu'il y a une volonté politique à avoir. Et la gratuité du transport, ou l'accès libre au transport, doit être vrai pour tout le monde, sans distinction. Voilà. Donc, on a remonté un truc, on a remonté quelque chose au nom d'ATTAC Métropole, avec un terrain, c'est celui de Roubaix. Sachant que, de toute façon, bon, même si on peut trouver paradoxal que c'est l'AMEL qui est décisionnaire, donc on devrait orienter normalement notre action vers l'AMEL, mais bon, on remarque quand même qu'il y a quand même une certaine opacité des pouvoirs, en tout cas de l'intrusion citoyenne au niveau de l'AMEL. C'est pour ça que, comme l'a expliqué Christian, on préfère partir de Roubaix, qui est quand même la ville la plus pauvre de France, quand même, avec des enjeux. Un enjeu énorme de ce côté-là, et donc on estime que le fait de partir de Roubaix, ça a un sens, ça correspond à quelque chose, et c'est pour ça qu'on y reviendra. On va quand même. Le but, c'est de mettre ce débat-là sur la place publique. D'accord. Si vous pouviez parler peut-être un peu plus de vos argumentaires respectifs, donc Parc peut-être en premier. Oui. Alors notre argumentaire principal, c'est de dire que le projet qui est soutenu par on va dire par la ville, mais au fond par peu de gens finalement, le projet est soutenu maintenant par une toute petite poignée d'élus qui s'obstinent. Et bien ce projet ne tient pas compte des enjeux climatiques et environnementaux auxquels nous sommes confrontés. C'est un projet qui a été élaboré finalement à la fin des années 2000, c'est-à-dire qui commence à prendre à être imaginé en 2009-2010. La première programmation date de 2012. Donc vous voyez, 2012, on est avant la COP21. On est avant l'accélération dramatique du dérèglement climatique. On est avant la prise de conscience de ces épisodes de pollution massifs, pollution de l'air, notamment sur l'île. Et pourtant, on a des élus qui continuent, en fait, la même logique, qui continuent dans une logique d'urbanisation folle, sous le règne de Madame Aubry. Donc, urbanisation, quand on regarde de toute la ceinture périphérique, hein, donc on a Euralille, Euralille 2, la Porte de Valenciennes, l'Illénium, le nord du périphérique avec le projet tribunal. On a ça. On a l'urbanisation de quartiers entiers, Faubourg de Roubaix, Bois Blanc, Lille Sud, Fives, et donc là, Saint-Sauveur. Et donc tout ça, ça date de la fin des années 2000, début des années 2010. D'autre part, et donc notre argumentaire, c'est-à-dire que ça ne répond pas aux enjeux dramatiques auxquels on est confronté. D'autre part, la construction là, de ce quartier se ferait dans une des zones les plus polluées de l'île. Or, l'autorité environnementale, récemment, dans son avis sur le nouveau plan local d'urbanisme, écrit qu'il faut éviter d'urbaniser sur les zones les plus polluées. Or là, on est vraiment, quand on regarde les quarts de pollution de l'air, on est... la piscine olympique, on voudrait la faire vraiment là où c'est le plus pollué à Lille. Il y a aussi l'air, mais il y a aussi la pollution des sols, je crois. Oui, alors là, je vous réponds sur les argumentaires généraux. Enfin, autre argument, c'est un de nos arguments, c'est que c'est une urbanisation d'un quartier dans une ville qui est très très peu dotée d'espaces de nature publics. Oui. Et donc là, il faut rappeler les chiffres. À Lille, on a 14 mètres carrés d'espaces verts. Public par habitant en 2018 contre 48 mètres carrés pour les 50 plus grosses villes de France en termes d'habitants. Donc on est dans un rapport de 1 à 3. Et on est encore plus mal classé que Paris. Paris, c'est 17 mètres carrés. Nous, on est à 14 mètres carrés. Et on a retrouvé récemment les chiffres qui étaient publiés, les chiffres officiels de la mairie de Lille en 2005. C'était 26 mètres carrés. Pourquoi a-t-on perdu 12 mètres carrés en 13 ans? Voilà. Donc on a ce problème de nature à Lille. On a ce problème de pollution de l'air. Donc là, on veut urbaniser encore un territoire qui est déjà très concerné par la pollution. On a soulevé un problème de pollution, de risque de pollution de nappe phréatique, avec notamment une fosse de plongée de 40 mètres. Alors maintenant, ils ont réussi à l'agrandir encore. Ils prévoient 42,5 mètres. La piscine olympique, tu veux dire. Piscine olympique, mmh. Pour en faire, en fait, pour avoir la fosse la plus grande d'Europe. Voilà. Et puis, voilà. Donc, risque de pollution, risque sanitaire, urbanisation massive qui devient insoutenable et manque d'espace public de nature à Lille. Voilà nos arguments. D'accord. Et pour donc ATTAC, les transports gratuits, comment, quels sont les arguments pour la gratuité, justement? Les arguments, c'est ça répond. Enfin, déjà, on a fait remplir des questionnaires sur les marchés roubaisiens, donc marché de l'Épaule, Nouveau Roubaix principalement. Donc c'était au printemps dernier, en mars-avril 2018. Bon, il ressort, enfin, je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, mais que quand même, il y avait 72% des gens interrogés qui étaient donc pour la gratuité totale et 16% pour une gratuité partielle. Donc, on estime que ça correspond quand même déjà à un besoin. Ensuite, bon, il y a évidemment les motivations écologiques, hein. Bon, pollution de l'air, coût des embouteillages, je crois que c'est 17 milliards d'euros, c'est des chiffres quand même impressionnants. Bon, il y a rendre du pouvoir d'achat, il y a la philosophie de la gratuité aussi, qui est développée par des gens comme Paul Ariès, par exemple, sur la gratuité, les communs qui pourraient quand même, mettre des brèches justement dans le libéralisme, enfin dans le système qu'on connaît. Bon, il y a tout ce qui tourne autour du lien social aussi, du brassage des populations. Enfin, je crois que c'est tout ça, nous, qu'on a en tête quand on demande la gratuité des transports. Aussi l'amélioration, je veux dire, de la qualité de vie et des relations au sein d'une ville. Faciliter les déplacements autres que par la voiture individuelle. Alors, nous, on ne peut pas tout mesurer, évidemment, avec nos petits bras, mais il faut quand même savoir, il y a des chiffres qui sont parlants, quoi. En gros, on sait que les embouteillages en France coûtent 17 milliards d'euros, c'est-à-dire plus que le trou de la sécurité sociale, ce qui n'est quand même pas dégueulasse quand même comme chiffre, c'est quand même le savoir. Bon. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on a aussi, c'est les aspects écologiques, on a remarqué que, dans notre enquête, parmi les gens qui prennent le bus, il y a 25% des gens qui ne sont pas du tout abonnés. Et on s'est posé la question de savoir pourquoi. Eh bien, c'est simple, parce que 7 euros par mois, c'est beaucoup. Et ça, c'est vraiment un argument qui est très très fort pour nous. C'est que c'est aussi une lutte contre la pauvreté. La gratuité, c'est aussi une lutte contre la pauvreté. Et pas seulement. C'est pour ça qu'on s'est opposé un peu aux autres organismes avec lesquels on était à un moment. C'est que nous pensons, le mot n'est pas de moi, mais je trouve intéressant, on pense pas à une gratuité d'accompagnement. On pense vraiment à une gratuité d'émancipation. C'est pour ça qu'elle peut pas être par catégorie professionnelle ou par catégorie d'âge. Elle ne peut être que totale. Donc voilà les arguments que nous avons. Mais comme dit Didier, effectivement, il y a des arguments absolument écologiques. On a découvert, à notre surprise, vous n'allez pas être déçus, que Roubaix est plus pollué que Lille, en fait. Voilà. Mais je ne parle pas du taux de pauvreté, 45% de la population pour 25% à Lille. Mais c'est pas de mettre en avant seulement la pauvreté, parce qu'il y a des riches à Roubaix aussi. Hein. Mais je crois qu'il faut que nous pensons, et c'est pour ça qu'on va y revenir après, c'est pour ça qu'on s'adresse aux élus locaux, nous pensons qu'effectivement, la prise en compte de la gratuité doit se faire de façon plus politique que technique. Et donc ça, c'est tout l'enjeu de notre démarche. Si je peux réagir par rapport à ça, en fait, nous, c'est aussi très important la question sociale, c'est-à-dire c'est pas seulement une question écologique, c'est aussi une question d'égalité aux enjeux écologiques. C'est-à-dire que Saint-Sauveur, c'est pas n'importe où dans l'île, c'est dans le quartier, c'est Moulins, hein, c'est à côté de Moulins, qui est déjà, enfin, un des quartiers les plus pauvres de l'île, un des quartiers avec la plus forte densité. C'est un quartier dans lequel il n'y a pas d'espace vert public, il y a juste JB Le Bas, qui est limitrophe entre le centre et Moulins, et c'est 2,5 hectares. Voilà. Et donc l'île, c'est non seulement une ville où il y a très peu d'espace de nature public par habitant, mais en plus c'est très concentré, c'est-à-dire 70% de ces espaces sont concentrés dans le nord de l'île, dans les quartiers privilégiés, la citadelle, le parc Vauban, qui est aussi un grand parc, et donc ça concerne ceux qui habitent le nord du quartier centre, le Vieux-Lille, et puis en face la Madeleine, Saint-André et Lambersart. Et donc nous, ça fait aussi partie d'une de nos revendications, c'est que les pauvres aussi ont le droit d'avoir des espaces de nature, et d'autant plus qu'ils n'ont en général pas d'accès à la nature privée, parce qu'un des arguments de la mairie, c'est de dire, ah oui, mais à Lille, on n'a peut-être que 14 mètres carrés d'espace vert public, mais quand on regarde, on a plein de taches vertes. Voilà, et ça, c'est les gens ont des jardins. Mais oui, d'accord, mais qui a des jardins? Les jardins, ils sont pas à Moulins. Donc, cette question, enfin, l'articulation écologique et sociale, elle est pour nous très importante. Et ça, les élus ne l'entendent pas, parce que l'argument de Martine Aubry, c'est qu'ils sont venus dire, ah oui, l'écologie, c'est pour les bobos. Non, la question de la pollution, pareil, Moulins, c'est un des quartiers les plus pollués. Ils se prennent toute la pollution. Ils se prennent aussi cette urbanisation galopante, là, Port de Valenciennes. Ça accroît, en fait, et ça aggrave, en fait, les conditions de vie des habitants de Moulins. Et en fait, la MEL sur l'histoire de la piscine répond qu'en fait, elle souhaite, du coup, à la place de la piscine actuelle olympique Marc Zormois, c'est ça, de faire un espace vert à la place. Mais effectivement, enfin, du coup, il sera pas au même endroit, l'espace vert. Au lieu de le garder à l'emplacement actuel où ils veulent construire la nouvelle piscine, il va être déplacé là où il y a déjà beaucoup d'espace vert. C'est la remarque que je voulais faire. On voit la cohérence de cette politique de la ville et des aménagements d'espaces verts, c'est-à-dire tout sera concentré dans certains secteurs de l'île. Donc il y aura la Citadelle, le parc Vauban et je crois le parc de la Prairie qui sera donc aménagé sur le site de l'ancienne piscine olympique Max Dormois. Donc on sacrifie un parc sur le Belvédère, la porte de Valenciennes, pour construire une piscine olympique. Et finalement, pour concentrer un peu plus encore tous les espaces verts dans le même secteur. En plus que la friche représenterait 23 hectares d'espaces verts. Si... C'est bien ça. Donc c'est quand même, ça pourrait être assez conséquent. Oui, et dans le projet ça pourrait être le pendant de la Citadelle à l'est de l'île. Oui, enfin, rappelons quand même que c'est 60 hectares hein, la Citadelle. Oui. Ouais. Mmh. Oui. Justement, quels sont les rapports avec les élus et peut-être en même temps, comment expliquez-vous, comprenez-vous leur logique, la logique donc de ces politiques municipales et communautaires? Les rapports avec la collectivité sont excellents, bien sûr. Non, pas du tout. Dès le début, on a été considérés comme un grain de sable dans leur communication huilée, qu'on pourrait même appeler une propagande. C'est-à-dire que, dans un premier temps, il a fallu dire que oui, on avait du temps pour exprimer, nous, en tant qu'habitants, un projet d'aménagement sur le site Saint-Sauveur. Contrairement à la communication qui laissait entendre que dès 2017, les grues seraient sur le terrain. Bon, d'abord, il y a eu cette déclaration à l'ouverture du site de réunion de concertation de Madame Aubry, disant que ce qui est formidable sur le site Saint-Sauveur, c'est qu'on allait construire sur rien. Nous, ce que nous avons voulu, c'est montrer que ça existe, contrairement à, finalement, l'appellation Gare Saint-Sauveur qui est réservée à l'espace culturel, qui est juste de l'autre côté du mur. Non, l'ancienne Gare Saint-Sauveur, c'est beaucoup plus grand et c'est justement un espace de rencontre entre les différents habitants des différents quartiers, puisque le site est, comme l'a rappelé Bénédicte, à la jonction de plusieurs quartiers, Moulins, Sente, Fives et Oisem. Donc, dans un premier temps, il a été dit que Saint-Sauveur, ça n'existe pas. On a montré que ça existe. Après, on nous a dit, oui, d'accord, ça existe, mais vous ne pouvez pas y entrer parce qu'on l'interdit. Si, on peut y entrer, on peut organiser des festivals, puisqu'on a pensé au festival en juin 2017 autour de la question de la transition, avec une logistique qu'on voulait mettre en place qui montrait tout ce qu'on pouvait faire dans une logique d'autonomie. En termes de ressources, en termes de ressources énergétiques. Et donc, on nous a laissé entendre que, bon, d'accord, vous pouvez y entrer, mais de toute façon, il est trop tard pour apporter votre voix au chapitre. On a démontré le contraire, on a apporté des études, des analyses concernant la richesse en termes de patrimoine de biodiversité sur le site, et qu'il fallait que tous les citoyens, tous les habitants prennent conscience de ce joyau urbain qu'on avait en plein cœur de l'île. Bon, on nous a opposé qu'on était, comme l'a dit l'élu à l'urbanisme, une minorité radicalisée d'opposants. c'est laisser de côté les 12 000 signataires de la pétition qui s'opposaient au projet d'aménagement. On peut noter particulièrement un mépris de la part des élus. En fait. Oui, des propos qui parfois vont très très loin, puisque non seulement il y a le propos de Stanislas Dandivel, mais il y a aussi la remarque de Martine Aubry, n'est-ce pas, disant que si les opposants n'étaient pas satisfaits de la politique de la ville menée par la ville de Lille, eh bien qu'ils aillent habiter ailleurs. Je pense qu'au-delà des petites phrases, je pense qu'il y a un problème démocratique de fond, parce que finalement, si on était dans une logique démocratique, on aurait des élus qui, quand même, interpellés par un commissaire enquêteur, qui pointe des réserves, face à la décision d'un juge administratif qui dit, là, il y a urgence, on arrête, on stoppe tout, parce qu'on pense qu'il peut y avoir des risques sanitaires très importants. Il faut revoir la copie. Si on était dans une logique démocratique, on aurait des élus qui diraient quand même, ah oui, en effet, attention, il faut peut-être qu'on fasse des études complémentaires, il faut peut-être qu'on en tienne compte et qu'on revoie le projet. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qui se passe. C'est-à-dire, il faut savoir qu'actuellement, ils continuent quand même à prendre des décisions. Prenons l'exemple de la piscine. Au dernier conseil communautaire en décembre, ils ont voté. Ils ont choisi le constructeur de piscine comme si de rien n'était. Alors évidemment, ça n'est pas, ils vont pas la mettre en œuvre, ils doivent attendre les décisions du tribunal, etc. Mais ils doivent refaire une enquête publique. Mais si on était en démocratie, ils n'auraient pas déjà choisi la piscine. En plus, c'est la politique du fait accompli. Ça montre bien qu'ils n'ont aucunement l'intention de tenir compte de toutes les remarques, de tous les arguments qu'on leur apporte. Et c'est ça qui est, je trouve, le plus déplorable. Finalement, et ça renvoie à, je pense, ce qui se passe. Actuellement, il y a vraiment une grosse critique du fonctionnement institutionnel qui, finalement, n'est pas démocratique. Ben, là, c'est le cas sur Saint-Sauveur. Et malgré tout, parce que quand même les politiques, enfin les décideurs sont quand même tenus à des obligations de vis-à-vis de la santé publique. Apparemment, ils passent dessus, quoi. Ils passent dessus parce qu'en effet, ça vient les freiner dans leur projet. Ça vient les enfin, pour eux, ce ne sont pas des questions qui devraient être au centre. Ce sont des questions qui viennent interférer avec leur logique de développement, de compétition, de concurrence entre territoires, etc. Et donc, moins ils en savent sur la question de la santé, et mieux c'est pour eux. Et c'est ça qui est grave. Est-ce que c'est à des associations de bénévoles d'aller poser la question de pollution nappe phréatique? Est-ce que ça ne devrait pas être le rôle des élus? Oui, tout à fait. Attaque, par vos rapports avec les élus, et que pensez-vous donc de la politique de la ville et de la MEL? Sur le rapport avec les élus, donc... On a l'exemple quand même de ce qui se passe à Dunkerque avec mais bon, c'est la communauté urbaine de Dunkerque, mais c'est aussi Patrice Vergriet, le maire de Dunkerque, qui a été qui a joué un rôle déterminant dans ces transports gratuits à la communauté urbaine de Dunkerque. Bon, nous sur Roubaix, on a des problèmes, enfin, il n'y a pas vraiment de volontarisme des élus, hein, au niveau communautaire, c'est quasiment impossible de tenter quelque chose. Il y a déjà ce problème-là, mais bon, on a vu des élus de Roubaix, bon, il y en a pas mal qui nous renvoient au fait que c'est la communauté urbaine qui décide et que de toute façon... C'est un jeu de renvoi de balles. Il y a un peu ça, mais bon, on a quand même une élue notamment verte, d'Europe Écologie Les Verts, qui est très sensibilisée à cette problématique et qui, normalement, au sein du conseil municipal, va justement essayer de provoquer en tout cas le débat. Oui, alors effectivement, tu as raison, René, de nous reposer la question, parce qu'on l'a posée souvent autour de cette table sur le fonctionnement non démocratique ou adémocratique de la communauté urbaine. Et puis, c'est pas d'hier, hein, c'est pas depuis Castelin, hein, c'est quand même depuis quelques années. C'est une espèce d'organisme impénétrable. Et j'aime bien citer le maire de la communauté de l'Aglo de Châteauroux qui nous disait, bah oui, dans une communauté urbaine, dans une communauté d'Aglo, c'est la même chose partout. Il existe un cénacle c'est-à-dire un rendez-vous de tous les maires ensemble, qui discutent ensemble. Ce cénacle n'a aucune existence légale. C'est quand même le président d'une communauté d'agglos qui dit ça. Hein. Voilà. Donc, de toute façon, nous, on avait renoncé assez vite, j'ai expliqué tout à l'heure, de travailler avec la communauté urbaine. De toute façon, on est complètement autiste sur ces questions-là. Donc, voilà, donc c'est même pas la peine. Alors que, on le sait, en France, la question se pose vraiment. En Europe, ça se pose de la gratuité. La question de la gratuité se pose. Alors, ce que nous faisons, c'est nous adresser à des élus locaux. Parce que nous avons la faiblesse de penser, ou la force de penser en l'occurrence, que la démocratie, ça existe encore au niveau municipal. Et la meilleure preuve, c'est qu'on a été... Il n'a pas cité le nom, mais c'est Myriam Coe, je crois qu'on peut dire son nom. On a été reçu par Myriam Coe. On a dit notre projet. Et elle a dit qu'elle nous suivait. Et c'est pas rien qu'elle nous suive. Parce qu'on sait que chez les Verts, c'était très compliqué, la question de la gratuité dans les transports. Ils étaient particulièrement fermés. Et je ne veux citer que Frédéric Piolle, qui est le maire de Grenoble, qui ne veut pas entendre le pendant du collectif, de notre collectif à Grenoble, qui assaille depuis des années la mairie de Grenoble pour passer au transport collectif, en fait, dans la communauté urbaine. Donc voilà, nos relations avec les élus sont celles-là. Alors maintenant, nous avons, je l'ai dit aussi, les autres partis politiques, évidemment, qui visent les élections municipales. Mais nous pensons que la thématique de la gratuité sera un thème quand même municipal fort important. Et ce que nous souhaitons, et la démarche, mais peut-être que j'anticipe sur une question suivante, René, ce que nous souhaitons, c'est que ce débat soit porté par le conseil municipal, mais aussi dans les lieux de vie aussi de Roubaix, c'est-à-dire dans les centres sociaux et dans les conseils de quartier. Il y en a 5 ou 6 à Roubaix. Je crois que c'est comme ça que nous pensons faire monter cette idée que la gratuité, c'est possible et ce n'est pas un coût. De toute façon, j'ai parlé tout à l'heure du coût de la gratuité. Au niveau national, le coût de la gratuité des transports est estimé par des calculs qui sont savants sûrement, à 760 euros par personne. Je rappelle que le coût de l'embouteillage, c'est 934 euros par personne. Et peut-être plus globalement, donc à chacun des organisations intervenantes, que pensez-vous de cette politique donc de la MEL menée depuis des années? C'est apparemment omnibulé par la croissance et la compétitivité. Que pouvez-vous en dire? Oui, ce qu'on peut en dire, c'est que c'est une logique des années 80, c'est-à-dire c'est une logique de la croissance sans limite et sans coût, sans externalités, voilà. Les maîtres mots, c'est l'attractivité, la compétition entre les territoires, avec des mégalopoles en concurrence avec d'autres mégalopoles. Oui. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est la logique des grands projets, qui coûtent très cher, qui déploient d'énormes moyens, beaucoup de ressources. On a eu le grand stade. Là, on a la piscine. Il faut quand même dire que la piscine, l'investissement qui était prévu, juste l'investissement, hein, pas le fonctionnement, mais c'était 50,5 millions d'euros. C'est ce qui avait été programmé fin 2017. Là, au dernier conseil communautaire, un an après, on est déjà à 58,5 millions programmés. Donc, vous voyez, ça a augmenté de 16%. Presque 60 millions, c'est énorme. Alors, par exemple, pour faire une fosse de plongée de 42 mètres de profondeur, pour faire plusieurs bassins de 50 mètres, dont des bassins extérieurs en zone hyper polluée. Ce qui est prévu aussi, c'est qu'il y aura un déficit de fonctionnement et que ce déficit sera comblé à hauteur de 1 million d'euros par an par la ville de Lille. Et à côté de ça, on nous dit, donc d'un côté on développe ces gros projets qui coûtent très cher, et de l'autre côté il n'y a plus d'argent pour le quotidien des gens. Le quotidien des gens, ça pourrait être les transports publics gratuits, ça pourrait être développer des espaces de nature. On nous dit, ah oui, mais un parc, ça coûte cher d'entretenir un parc. Ce sont des places en crèche, ce sont des activités périscolaires, c'est l'enseignement de la musique en école de musique et au conservatoire, où il y a eu des augmentations des tarifs très élevés, etc., etc. Et alors, qu'est-ce que ça donne, cette politique, cette logique-là des grands projets, de la compétition, de la croissance sans limite, etc. Ça donne donc d'abord des problèmes sanitaires massifs. Hein, c'est-à-dire qu'il faut faire un lien entre cette politique-là et les problèmes de pollution qu'on rencontre actuellement. Oui, pour rappel, le rassemblement qui a eu lieu le 10 janvier, où on mettait en avant les 1700 morts prématurées par an dues à la pollution de l'air. Exactement, voilà. Donc il y a un lien, ça donne des problèmes sanitaires massifs, ça donne une destruction massive de biodiversité. On n'arrête pas là d'avoir des informations scientifiques là-dessus. Que font nos élus par rapport à ça? Et puis ça donne, et je trouve que c'est très intéressant, vous savez que l'INSEE là, a fait un recensement qui a été publié la fin 2018. Et qu'est-ce que ça montre? Ça montre une croissance énorme des agglomérations et, à côté de ça, un appauvrissement très fort des alentours et notamment des villes moyennes et des zones rurales. Donc on a un déséquilibre croissant. Exactement, un déséquilibre, des inégalités territoires qui s'accentuent. Voilà. Et est-ce que c'est de ça dont on a envie? Moi, je pense qu'on peut contester. Je vais me faire l'avocat du diable. Sur l'histoire de la piscine, actuellement, il n'y a pas de piscine à l'île Moulin, l'île Centre. Et ça peut faire aussi partie du quotidien des gens. Ça serait encore mieux, ce serait une piscine gratuite. Hein. Mais du coup, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Bah, c'est très simple. C'est que ce qui avait été prévu, c'était à FIV, à 400 mètres, à vol d'oiseau. Voilà, il y a une piscine qui devait être prévue à FIV, sachant que les habitants de FIV auraient aussi besoin d'une piscine, parce qu'en fait, des équipements publics, ils n'en ont pas beaucoup. Et ce projet va être supprimé. Donc, pour faire... Alors, en plus, c'était pas une piscine olympique qui était prévue à FIV, hein, c'était une piscine de quartier, mais de bonne qualité. Voilà, et donc, on supprime ça. On enlève Bois Blanc, donc on supprime aussi la piscine de proximité pour les habitants de Bois Blanc, pour faire une énorme piscine olympique. Et là encore, on concentre des moyens énormes sur un seul lieu. Bénédicte, la réputation de Lille, qu'est-ce que t'en fais? On sera quand même la base de secours pour les Jeux Olympiques de 2024, contre lesquels il faut se battre aussi. On se bat avec Frédéric Vial à Paris là-dessus. Eh oui, voilà, on peut juste remarquer que les infrastructures qui sont implantées dans tel ou tel quartier, donc la piscine à FIV, ça ne sert pas la politique de communication, la course au label, capitale mondiale du design, base arrière des Jeux Olympiques, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Bon, capitale de la culture, c'était en 2004, et capitale mondiale du design. Ouais. Ah oui. Et oui, et métropole verte, oui aussi, d'ailleurs. Capitale européenne verte, assez oui. Ironiquement... Et c'est l'occasion de dire que dans le dossier de candidature de la ville de Lille, à ce label, la conception du projet d'aménagement sur Saint-Sauveur est considérée par les élus comme un atout. D'accord. Pourquoi? Parce que les façades seront végétalisées. Ah d'accord. Et le toit de la piscine aussi. Et sur la question de la logique des politiques municipales et communautaires, moi je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Bénédicte, je souscris à 100%. Simplement, bon, on a une construction qui repose, c'est la construction européenne, c'est de faire des régions à l'image des Länder allemands, un peu, toutes les régions qui seraient en concurrence, des pôles d'excellence, on nous rebat les oreilles avec ce genre de choses. La concurrence qui domine, avec à l'échelon municipal, donc ça serait les grandes métropoles. Donc les échelons démocratiques qui sont de plus en plus éloignés du citoyen, et je crois que c'est ça aussi qui provoque la colère actuelle, des gilets jaunes pour pas les citer. Donc c'est aussi ce qu'on veut à travers notre démarche, c'est aussi rapprocher quand même l'échelon de décision du citoyen. Et ça nous paraît, l'échelon municipal, comme l'a dit Christian, nous paraît quand même être un échelon pertinent. Celui qui reste en tout cas, effectivement, puisque on va le démontrer, on peut dire un mot sur ce qu'on va faire dit d'après-demain. On reçoit donc Damien Carême, le maire de Grande-Synthe, pour parler des transports gratuits. Et pour parler de la MEL, on a choisi une espèce de contenteur de la MEL, puisqu'il s'agit de Fabien Desage, qui, par une étude très fouillée, c'est sa thèse avec David Guéranger, a produit un bouquin qui s'appelle « La politique confisquée ». Il montre comment la politique est confisquée par les communautés de communes, par les communautés d'agglos et a fortiori par les communautés urbaines. On a encore eu de la chance, la nouvelle ministre de l'Intérieur, pas la nouvelle ministre de l'Intérieur, le gouvernement a renoncé à faire que les départements soient bouffés par les communautés urbaines, par les grandes communautés urbaines. On a de la chance parce qu'ils ont encore un pouvoir accru. Enfin, c'est... voilà. Et ce pouvoir accru, c'est un pouvoir qui, de toute façon, depuis le début, je dirais même depuis Pierre Monroy, s'est éloigné des habitants, s'est éloigné de la vie de la population et ne tient aucun compte de ce qu'a fait. Quel Lillois a souhaité faire la capitale du design, puisque tu parlais de Camille. Enfin, c'est... voilà. Il y a autre chose à faire, semble-t-il. Vous savez que pour revenir au site Saint-Sauveur, au projet d'aménagement, les idées qui émanent des habitants sont aussi relayées par certaines équipes d'architectes. Et l'équipe de Paul Chemetov, qui concourait par rapport à la commande de la ville de Lille, avait tout simplement commencé par remarquer que ce site ayant été non accessible par les habitants pendant un siècle et demi, la raison, le bon sens, voulait que on ne construise pas tout, on ne remplisse pas tout cet espace, mais qu'on commence par peut-être mettre une cantine ou je ne sais quelle infrastructure qui permettrait ensuite aux habitants de découvrir l'entièreté du site. Et bref, qu'il ne fallait pas commencer par construire sur la totalité de la superficie, mais au contraire, inviter les habitants à co-construire, comme on dit aujourd'hui, mais ce mot est vain dans la bouche de nos élus, à co-construire un projet. Et oui, justement... C'est pour parler finalement de vos projets à venir concernant donc la lutte pour Saint-Sauveur, donc parc. Oui, alors en fait, nous, c'est assez simple. C'est d'abord, nos projets, c'est tout attaquer juridiquement. Il n'y aura pas que ce que la modification du PLU. Il y aura tous les permis de construire. Enfin voilà, on a une petite série là qui nous attend. Deuxièmement, élaborer un projet alternatif avec... les habitants, donc là on est en train de commencer à travailler là-dessus, et vraiment dans l'idée post-pétrole, effondrement, enfin voilà, finalement comment on peut utiliser au mieux cet espace qui est du coup plutôt une opportunité par rapport à ce qui nous attend. Et puis troisièmement, fédérer les luttes, c'est-à-dire que finalement derrière Saint-Sauveur, c'est tout un modèle d'urbanisation qui est en jeu, et ce modèle d'urbanisation, il ne concerne pas que Saint-Sauveur, il concerne ce qui est en train de se passer à Bois-Blanc avec l'urbanisation, ce qui se passe à l'Île-Sud, ce qui se passe par exemple au Muchot, à Lambersart. Enfin, voilà. Et donc nous, notre idée, c'est de fédérer ces luttes pour contester globalement un modèle d'urbanisation et en proposer un autre. D'accord. Et pour Attaque ? Nos projets, donc Christian en a parlé, les projets immédiats, c'est le grand débat du 21 janvier, donc au théâtre Pierre de Roubaix, à partir de 18h30. Mais bon, plus globalement, on a quand même le projet de relancer d'abord le collectif avec les forces politiques, syndicales, associatives qui seront intéressées dans la démarche. Et dans le but de, on l'a déjà dit, mettre le thème sur la place publique et travailler aussi avec les comités de quartier, avec les centres sociaux, en faire un véritable enjeu pour les municipales. Je crois que c'est ça, les projets d'avenir. D'accord. Je pense que pour 2020, il y a un enjeu important, c'est les municipales. Je ne sais pas si vous pouvez en dire deux mots. Oui, alors en effet, l'enjeu des municipales, il est énorme. Enfin, l'enjeu sur la ville, enfin, finalement, dans quelle ville voulons-nous vivre ? Je crois que c'est ça la question qui va être posée lors des municipales. Et comment préparerons-nous notre avenir et l'avenir de nos enfants dans nos villes ? Et donc, évidemment, il faut absolument que la réponse aux enjeux climatiques et environnementaux. Et les enjeux aussi d'égalité et d'inégalité face à ces enjeux soient enfin pris en compte, et que ce ne soit pas juste un saupoudrage avec l'île capitale verte, par exemple. D'accord, eh bien, merci. Nous passons à la suite. Je veux dire un mot quand même, que l'enjeu des municipales est une évidence pour nous, ce n'est pas le hasard si on a rencontré les partis politiques qui distribuaient des tracts pour la gratuité déjà, en l'occurrence. Hein. Donc voilà, on ne va pas en dire plus, mais on est bien d'accord sur les enjeux démocratiques, sociaux, écologiques, sur lesquels nous nous battons tous, en fait, dans cette table. Maintenant, une petite musique, une petite intermède. Je suis née d'une petite graine que le vent du nord a emportée. Me suis installée dans cette plaine, à l'abri des places bétonnées. Je prends racine au bord d'un fleuve, le temps ne m'a pas découragée. J'ai réussi toutes les épreuves, je goûte un bout d'éternité. Un abri, venez. J'ai toujours souri à ces enfants. Dans leur cabane, je suis leur confident. Je donne couleur à vos saisons. Un goût de fleurs à vos passions, un paravent pour les amants. Je suis le cœur de nouveaux chants. Je suis ombrelle ou parapluie, bruissement d'ailes, un nid de vie, un oxygène qui purifie. Je suis l'échelle du paradis. J'ai toujours bien accueilli ces hommes, ces femmes qui cherchaient un abri. Venez, j'ai toujours souri à ces enfants qui me prenaient pour un bon gros géant. Ce soir, un homme m'a condamné. J'ai plus droit à l'éternité. Pourtant, j'ai toujours bien accueilli ces hommes, ces femmes qui cherchaient un abri. Pourtant, ces enfants, mais aujourd'hui ils sont devenus trop grands. Je redeviens petite graine, un peu de moi que le vent sème. Mes descendants trouveront leur place vers d'autres rives, d'autres espaces. Toujours ils vous accueilleront, comme moi aussi j'abritais vos parents. Toujours ils seront cabane ou jeu de liane, le confident géant de vos enfants. Donc c'était Christelle Galli, La complainte de l'arbre. Et donc on passe aux actualités d'attaque. Oui. Eh bien au plan national déjà, avec les Gilets jaunes pour la justice sociale, fiscale et écologique. Attaque France appelle ses adhérents et adhérentes et ses comités locaux à être présents et présentes sur tout le territoire dans les mobilisations actuelles aux côtés des Gilets jaunes. Attaque maintient ses propositions pour exiger plus de justice sociale, fiscale et écologique et s'associe à toute initiative unitaire pour contrer les projets liberticides qui visent à étouffer toute contestation et tout mouvement social. Davos, alors. Ah, oui. En perspective de Davos, le véritable bilan des multinationales françaises. Les multinationales vont se réunir à nouveau à Davos du 22 au 25 janvier 2019. L'Observatoire des multinationales a publié en juin 2018 un rapport sur le véritable bilan annuel des grandes entreprises françaises. En s'appuyant sur ce travail, ATTAC prépare une analyse sur le coût de nos multinationales pour la société et la planète. L'accent sera mis sur trois types de coûts: leur contribution aux inégalités sociales et au chômage, l'évitement fiscal dont les entreprises du CAC 40 sont les championnes, les dégâts écologiques considérables de nos multinationales. Il faut savoir que 37 groupes du CAC 40 émettent autant de gaz à effet de serre que la France, l'Allemagne et les Pays-Bas réunis. Voilà une étude qui va compléter celle d'Oxfam que nous avons accueillie ici il y a quelques mois. Oui. Enfin, Notre-Dame-des-Landes, la lutte pour les communs continue. Alors, un an déjà de poursuite de la lutte. Après l'annonce de l'abandon du projet d'aéroport, un pouvoir revanchard a voulu écraser la ZAD en refusant tout projet collectif sur la zone. Vu l'évolution de la situation, un fonds de dotation a été créé pour acquérir la propriété collective des terres agricoles et pérenniser tout ce que la ZAD représentait de novateur et de porteur d'espoir. ATTAC relaie l'appel à fonds auprès de tous ses adhérents et ses membres fondateurs et invite ces derniers à faire de même et partagera avec tous ses acteurs cette autre phase de l'aventure qui démarre. Le site du fonds, c'est https://encommun.eco/. Enfin, la campagne européenne, des règles pour les multinationales, des droits pour les populations. Le 22 janvier, de nombreuses organisations, dont ATTAC France, lanceront une campagne européenne contre les privilèges exorbitants des multinationales, notamment les mécanismes d'arbitrage privé. En effet, plus de 3400 accords protègent les investissements des multinationales. Aucun texte international juridiquement contraignant ne garantit qu'elles respectent les droits humains et de l'environnement. La campagne s'articulera autour d'une pétition visant à recueillir plusieurs millions de signatures, accompagnée d'autres actions et manifestations de sensibilisation. Donc pour le climat, les trois comités locaux d'ACAC sur la métropole sont impliqués dans le collectif Ensemble pour le climat, qui est en réunion plénière d'ailleurs en ce moment. Et nous participerons, vous êtes aussi dans le collectif Ensemble pour le climat, j'imagine. J'imagine pas, je sais. Et donc, nous participerons bien à la marche du 27 janvier. C'est ça. La campagne pas avec notre argent. Donc, l'année passée, en 2018, nous avons relayé cette campagne contre les investissements climaticides des banques par des actions menées notamment avec les Amis de la Terre et ANV COP21. Voilà, et donc on va réinsister une seconde sur le débat de lundi soir. Il s'agit d'urgence sociale et climatique, des transports publics gratuits. Ils l'ont fait à Dunkerque, pourquoi pas chez nous, à Roubaix. Donc une conférence débat avec Damien Carême, le maire de Grande-Synthe, vice-président transport de la communauté urbaine de Dunkerque. Et nous aurons en grand témoin Fabien Desage, universitaire, membre du groupe de GTR Lille, c'est-à-dire ce groupe qui a écrit Sociologie de Lille, que l'AMEL a refusé d'accepter d'ailleurs. Ils voulaient le présenter à l'AMEL, mais n'ont pas eu le droit. Voilà, des gens sympathiques et tout à fait démocratiques. Ce sera le lundi 21 janvier 2019 à 19h. À 18h30, au foyer Théâtre Pierre de Roubaix, 78 de Boulevard de Belfort. Nous avons le soutien de ELV, de la France Insoumise, du PCF, d'Ensemble et de Génération. Voilà. Je prends la suite pour l'agenda. Donc, toujours sur le sujet du jour, donc il y a une plantation d'arbres qui est organisée samedi prochain, donc samedi 26 de 14h à 17h. Donc c'est au niveau du belvédère, ça fait partie aussi de la friche Saint-Sauveur, qui est en face l'auberge de jeunesse au bout de la rue Cambrai. C'est le deuxième rendez-vous de plantation d'arbres. Il prévoit de planter 200 arbres. Ensuite, au Café Citoyen d'Elem, le Polder, mardi 22 janvier à 18h30, discussion Catalogne, ses prisonniers politiques, sa lutte nationale pour quel projet de société ? Avec Antoine de la Commission internationale du NPA. La révolte catalane pour l'autodétermination d'octobre 2017 a provoqué un tremblement de terre politique dans tout l'État espagnol. Mais le gouvernement de Madrid, qui ne s'est pas remis de l'ébranlement indigné de 2011, n'en conserve pas moins une terrible capacité de nuisance. La Catalogne pointe avancée de la contestation, voit activer contre elle une répression politique, policière et judiciaire, dévoilant de jour en jour que la démocratie espagnole n'a pas soldé sa dette envers le franquisme dont elle est issue sans franche rupture. Conférence gesticulée de Gérard Fouché. Changer la monnaie pour changer le monde. À la gare Saint-Sauveur, le mercredi 23 janvier à 19h30. La façon dont la monnaie est créée et distribuée dans notre société a des effets incalculables sur nos propres vies, nos relations sociales, nos relations internationales et notre planète. C'est un sujet brûlant que nous devons absolument connaître et faire connaître. Ensuite, au début des années 60, des milliers de Portugais débarquent clandestinement en France. Ils fuient la misère, la guerre et la répression. Livrés à des passeurs sans scrupules, ils doivent traverser la péninsule ibérique, traqués par la police portugaise et espagnole. Fasciste. 30 ans après, donc l'auteur part à la recherche des histoires de son enfance pour comprendre ce qui a provoqué cette émigration sans précédent qui fut appelée le plébiscite par les pieds. Contre Salazar. Entre souvenirs d'enfance et investigations historiques, il cherche les images de cet exode sans précédent de l'Europe d'après-guerre. Donc ce documentaire sera projeté à la CGT-UL de Tourcoing, au 43 rue de Lille, et ça sera le vendredi 25 janvier à 18h30. Le jeudi 31 janvier, au café citoyen Les Sarrasins, donc le café citoyen de Oisem, projection « L'amour et la révolution » de Yanis Youlountas. Non, rien n'est fini en Grèce. 10 ans après les premières émeutes, les médias européens prétendent que la cure d'austérité en Grèce a réussi et que le calme est revenu. Ce film prouve le contraire. À Thessalonique, des jeunes empêchent les ventes aux enchères de maisons saisies. En Crète, des paysans s'opposent à la construction d'un nouvel aéroport et à une ZAD commence à voir le jour. À Athènes, un groupe mystérieux inquiète le pouvoir en multipliant les sabotages. Dans le quartier d'Exerchia, menacé d'évacuation, le cœur de la résistance accueille les réfugiés dans l'autogestion. Un voyage musique parmi celles et ceux qui rêvent d'amour et de révolution. Donc projection à 20h, suivi d'un débat en présence de Yanis Youlountas. Une collecte pour le prochain convoi solidaire sera également organisée sur place. Aux sources de la colère contre l'impôt. Ce sera une conférence-discussion le vendredi 1er février à 20h à la MRES. Rencontre avec Alexis Pierre autour de son article aux sources de la colère contre l'impôt, paru dans le Monde diplomatique en décembre 2018. Donc, on comprendra, hein, c'est suite à la mobilisation des Gilets jaunes qui a soudainement mis en lumière le sentiment d'injustice fiscale qui couvait depuis longtemps parmi les salariés subalternes et les petits indépendants. Dans un pays où l'impôt demeure un levier pour la redistribution, comment expliquer qu'il soit davantage contesté par celles et ceux qui se trouvent en bas de l'échelle sociale ? Ce qui me reste un petit peu de temps. Oui, pour un féministe décolonial avec Françoise Vergès, une rencontre organisée par l'atelier d'histoire critique le samedi 2 février à 15h à l'espace Angela Davis, 74 rue d'Artois. Donc Françoise Vergès est militante féministe décoloniale. Elle travaille en particulier sur les questions de race et de genre et pointe l'invisibilisation des femmes racisées et des classes populaires, notamment dans les luttes féministes dites universalistes, construites autour d'enjeux qui sont propres aux femmes blanches et plutôt bourgeoises. Soirée de soutien à la bibliothèque librairie du Centre culturel libertaire. Ça sera le samedi 9 février à 15h. Donc depuis de nombreuses années, la bibliothèque librairie donc du CCL ouvre ses portes 2 fois par semaine. Elle permet d'emprunter, de consulter des livres, revues, brochures, films et archives. Donc l'équipe organise également des projections, des discussions régulières au sein du CCL, comme régulièrement je l'annonce ici. Donc au programme, vous pouvez ramener un texte de votre choix pour le lire comme vous voulez. Et une fois tout et tous échauffés, une petite boum conviviale en deuxième partie de soirée. Et après, dégustation de bière artisanale, il y aura du jus de fruits, repas vegan, pour ce moment de réjouissance. Et voilà. Et voilà, donc pour... Oui, René. Un dernier point. Si vous voulez joindre l'association Parc J'ai l'adresse mail, parc Saint-Sauveur en un seul mot, @protonmail.com. Et attaque, donc vous pouvez joindre attaque Lille en un seul mot, @gmail.com. Voilà. Moi, je voulais simplement dire que n'oublions pas, c'est le 50e anniversaire de Radio Campus et on est fiers d'y travailler. E ho trovato l'invaso, un partigiano, portami via, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento.